Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 6. Tu l'ignores peut-être, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de notre vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 16 octobre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Soupe aux Choux. Tu es Paranormal, tu es Monsieur Spock, tu es Fox Mulder, tu es Star Wars, et tu es aussi dans la quatrième dimension. Oui, tu l'auras compris, ce matin, nous nous lançons à la recherche d'extraterrestres bizarroïdes et d'ovnis en tout genre. Avant le XXe siècle, phénomène étrange, les ovnis et les martiens n'existaient pas ou très peu. Et pourtant, avant-hier, dans les nouvelles aventures d'Astérix, tu as pu découvrir que cette fois-ci, ce sont des extraterrestres qui viennent perturber la tranquillité du célèbre village gaulois. Astérix a-t-il rencontré E.T. Va savoir. Toujours est-il que ce week-end, à Châlons-en-Champagne, se tiennent les premières rencontres ufologiques où plus de 200 spécialistes des ovnis viennent tenir conférence sur l'histoire des soucoupes volantes. Mais alors, partout à Tis, s'ils existent réellement, les extraterrestres sont-ils parmi nous? Eh bien, de la station Mir à la Star Academy, de Claude Pieplu à David Vincent, de la rencontre du troisième type au retour du Jedi, de Jean-Claude Bourré à Nicolas Sarkozy, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle des visiteurs de l'espace. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques et les actualités de la semaine. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi l'ami. Oh, baby. I Want You Back, le premier tube des Jackson 5 sorti en 1969 parce que le petit Michael, en 69, a 11 ans et n'a pas encore révélé sa véritable nature. Personne ne sait alors que Michael Jackson deviendra le plus célèbre extraterrestre sur Terre. Alors, pour commencer notre exploration de l'univers étrange des ovnis et des extraterrestres, nous allons tout d'abord nous arrêter sur les apparitions d'ovnis. Les premières manifestations de nos amis d'ailleurs peuvent être précisément datées. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, pilote d'avion amateur, se balade peinard du côté du Mont Rainier dans l'état de Washington. Il est cool, Kenneth, quand tout à coup, à 15h, un éclair lumineux l'aveugle. Il regarde de tous les côtés et cherche à comprendre. Rien. Quelques instants plus tard, un second éclair. Cette fois, Kenneth en voit l'origine. 9 objets volants en forme de boomerang se trouvent devant lui. Il n'en croit pas ses yeux. Le lendemain, il raconte son histoire au journaliste. Kenneth parle alors de soucoupes volantes qui se déplacent comme ricochant sur l'eau. Ça y est, flying saucer, soucoupe volante, l'expression est née. L'idée de vie sur d'autres planètes est ancienne. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la notion d'OVNI se met en place et prend une importance jamais atteinte. Après 1947, les extraterrestres existent vraiment. Comprends-moi, ils existent dans l'imaginaire collectif. Ils envahissent la littérature, le cinéma et la télé. Dès lors, les témoignages se multiplient et se comptent par milliers. Il est difficile aujourd'hui d'en faire l'inventaire tant ils sont nombreux. Tiens, par exemple, écoute l'ouverture du journal de 19h sur Inter ce 8 janvier 1977. On n'en parlait plus depuis un certain temps et voilà qu'ils réapparaissent. Ils, eh bien, ce sont les ovnis, les objets volants non identifiés ou pour employer un langage disons plus direct, les soucoupes volantes. En l'espace de quelques jours, on vient d'en voir deux, une au nord et l'autre au sud. Premier ovni donc dans la Drôme, près de Valence. Deux habitants de Valence, monsieur et madame Pérez, allaient voir des amis en voiture la nuit tombée lorsqu'ils aperçurent une immense lueur sur la route de Chabeuil. Ils crurent d'abord qu'il s'agissait d'un hélicoptère en difficulté qui s'était posé là et continuèrent simplement leur route. Mais de retour, une heure plus tard, exactement au même endroit, monsieur et madame Pérez aperçurent de nouveau l'engin entouré cette fois d'un halo de lumière blanche. J'ajouterai que monsieur et madame Pérez ont eu mal aux yeux pendant 48 heures et que la montre de monsieur Pérez ne fonctionne plus depuis cette rencontre inattendue. Rencontrer les extraterrestres fétichistes briseurs de montres, c'est quand même pas de bol. Les témoignages sont donc pléthores et parfois ils s'accompagnent d'un document qui se veut une preuve. En effet, l'aventure des ovnis, c'est un peu l'histoire de la photo floue, du mauvais cadrage et de la vidéo illisible. Les seules rencontres avérées entre les hommes et les êtres venus d'ailleurs ont eu lieu sur nos écrans et petits écrans, et là, ça fout la trouille. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé une nuit dans la campagne, le long d'une route solitaire, tandis qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Ah, si David Vincent avait eu un GPS, sa vie aurait quand même été plus tranquille. Ainsi, le phénomène OVNI prend de l'ampleur à tel point que les autorités commencent à le prendre au sérieux. Les organismes officiels sont chargés de s'en occuper, les commissions d'enquête se sont multipliées aux States. Le mieux, c'est quand même de demander à Yves Mourouzi d'interroger un spécialiste de la chose. Écoute bien comment, en 1974, Mourouzi agrémente son interview de petits bruits bien sympathiques, un brin moqueur. Mais Jean-Claude Bourret, il y a tout de même quelque chose d'intrigant dans cette histoire de photos d'OVNI prises par Concorde. C'est l'éventuelle présence d'une intelligence à bord. Éventuel, je veux bien, mais si vous pouvez m'expliquer comment un engin de 200 mètres de diamètre peut se construire et se piloter tout seul, notre technologie aura fait sûrement un drôle de bond en avant. Vous savez, depuis que j'ai ouvert ce dossier OVNI, je me suis rendu compte que très peu de personnes, en fait, connaissaient vraiment le problème. Parce qu'il heurte notre rationalisme, parce qu'il implique que nous ne sommes peut-être pas les plus intelligents dans le cosmos. Évidemment, c'est dur à croire. Oui. Pourtant, je vous propose, Yves, un document. Monsieur Poher, directeur du département fusée du CNES, le Centre National d'études spatiale, étudie scientifiquement le problème des ovnis, des objets volants non identifiés depuis 5 ans. Au début, il était persuadé que c'était une blague de journaliste. Non seulement il est persuadé du contraire, maintenant il est persuadé de l'existence des ovnis, mais il a pu dresser le portrait robot des humanoïdes qui pilotent les soucoupes. Et ce portrait, le voici. Généralement, ce sont des petits hommes entre 1m et 1m10 de haut qui ont un habillement collant, une espèce de combinaison, très souvent une grosse tête, des yeux globuleux et qui ont une attitude presque systématique de fuite. Ils visiblement ne cherchent pas à prendre contact ou à être vus lorsqu'un témoin les surprend. L'extraterrestre ne cherche donc pas à prendre contact ou à être vu. Ben ouais, il est comme ça, l'extraterrestre, un peu timide, il n'aime pas qu'on découvre son jardin secret. Pour mieux comprendre les ovnis, il est nécessaire de replacer le phénomène dans son contexte. L'apparition de l'idée de soucoupe volante après la Seconde Guerre mondiale n'est pas un hasard. En 1947, les États-Unis et l'URSS s'opposent ouvertement, c'est le début de la guerre froide où chacun des deux grands se méfie de l'autre. La course aux armements bat son plein et la conquête spatiale en est à ses débuts, un peu poussif d'ailleurs. Appuyage à fond sur le bouton rouge. Bouton rouge, enfoncé comme un malade. Contrôlage du niveau du texte. Niveau du texte, nul. Branchage et mettage en place pour écoutage. Branchage et mettage en place, effectué. Attention au lançage. Faisage d'attention au lançage. Lançage. Lancé. Après la chute de l'URSS, l'espace fait moins rêver. Les grands programmes spatiaux sont suspendus et la station spatiale soviétique Mir, mise en service en 1986, est quelque peu à l'abandon. La station Mir, notre cabane de l'espace, désolé de le dire, elle est bonne pour la casse avec Sergueï et Youri. On la bichonne, on a dit pour se marrer qu'on mettrait un klaxon. Mir fut habitée jusqu'en 1999, puis détruite en 2001. Mir est alors entrée dans l'atmosphère et a sombré dans le Pacifique Sud. Mais il ne s'agit pas là du crash interstellaire qui a fait le plus de bruit. En juillet 1947, la même année que l'apparition de la première soucoupe volante, a lieu un autre événement qui va beaucoup plaire aux passionnés des petits hommes verts. Un vaisseau extraterrestre se serait crashé et ses débris auraient été retrouvés au Nouveau-Mexique, à Roswell. Le problème avec les ovnis, c'est qu'on apprend toujours un jour ou l'autre d'où ils viennent. En 1994, l'explication est donnée. En 1947, près de Roswell, l'armée américaine testait un instrument atmosphérique capable de détecter les essais nucléaires soviétiques. L'engin s'est écrasé, mais le secret n'a pas été dévoilé par les militaires. Grosse méprise des ufologues qui, eux, se voyaient déjà... Mais bon, l'explication donnée aujourd'hui par l'armée américaine ne convainc toujours pas certains. L'idée d'un complot gouvernemental se marie bien avec les ovnis. Dès lors, aucune explication officielle n'est crédible, car elle chercherait à cacher des vérités bien plus terribles et soigneusement gardées. 1978, les leaders de Zarta fuirent leur planète afin d'échapper aux griffes de la démoniaque qui le tienne, Serlina. Arrivés sur Terre, les Zartiens nous apportèrent leur trésor le plus précieux, la lumière de Zarta, une force cosmique si puissante qui, entre de mauvaises mains, pourrait anéantir Zarta. La princesse zartienne, Lorana, implora les Men in Black de cacher la lumière à Serlina. Mais ils n'avaient pas le choix. Une intervention aurait entraîné la destruction de la Terre. Cependant, dans un sursaut de bravoure galactique, les Men in Black piégèrent Serlina, permettant aux Zartiens de s'enfuir pour cacher la lumière sur une autre planète. Ainsi donc, sans avoir su ce qui s'était passé, les habitants de la Terre furent une fois encore sauvés par une société secrète de protecteurs, connue sous le nom de Men in Black. Les petits hommes verts sont donc parmi nous, et que tu y crois ou non, tu es obligé de constater qu'ils t'entourent dans ton ciné, tes bouquins, ta télé et dans ton imaginaire collectif. On a beaucoup dit et écrit sur les ovnis, mais en fait, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont d'ailleurs. Mais où est-ce ailleurs? On les trouve parfois là-haut, sous les toits. Yeah. Comme toi, une chanson intersidérale d'Étienne Dao sur un album de 1988 qui s'intitule « Pour nos vies martiennes » parce que la trajectoire de Dao ressemble toujours à une conquête du tube de l'espace. Alors pour continuer notre exploration des hypothétiques visiteurs du cosmos, nous pouvons désormais nous intéresser aux conséquences psychologiques que provoquent les apparitions d'ovnis sur les hommes de la planète Terre. Depuis 50 ans, on recense des millions de personnes qui auraient vu des extraterrestres. En général, ceux qui ont été en contact avec les petits hommes verts racontent presque tous, à quelques détails près, la même histoire. Les récits sont saisissants de réalisme et rien ne permet de douter de la sincérité de leurs témoignages. Quant à la santé mentale de ces témoins, de nombreuses enquêtes psychologiques ont montré, dans une large majorité, qu'ils ne sont pas fadas. Mais alors, que croire ? Certains scientifiques pensent qu'avec le recul au XXe siècle des croyances religieuses traditionnelles, les extases mystiques de l'époque médiévale ont été remplacées par la vision d'OVNI. Pour résumer, avant, tu rencontrais la Vierge dans une grotte à Lourdes, maintenant, tu croises E.T. au fond de ton jardin. Cela dit, on se marre, mais il arrive régulièrement que des personnes disparaissent et qu'on évoque alors l'enlèvement extraterrestre. Oui, même sur France Inter, parfois, plane le doute. Écoute par exemple l'ouverture du journal de 13h ce 26 novembre 1979. La disparition du jeune Franck Fontaine hier matin, vous le savez, on vous a déjà parlé de cette affaire. Des amis de Franck ont prévenu la gendarmerie, leur camarade de 19 ans a été enlevé par des ovnis à Cergy-Pontoise. Au début, tout le monde a cru à un canular, il y avait de quoi. Maintenant, les gendarmes du Val-d'Oise et notamment le commandant Courreau de Cergy-Pontoise prennent tout à fait cette affaire au sérieux. D'abord, nous avons entendu les témoins séparément, hein, comme une enquête de police. Ils n'ont jamais dévié dans leur déclaration. Ils ont entendu séparément et ils n'ont jamais varié. Monsieur Fontaine a disparu, il n'a pas rejoint ses parents. Nous avons contacté toute la famille, nous avons contacté des amis. Il n'est toujours pas retrouvé. Pensez-vous qu'il puisse s'agir réellement d'un ovni ? En tant que gendarme, je suis un petit peu sceptique. Nous n'avons rien trouvé. Nous avons hier soir passé les lieux au compteur Gégère, passé la voiture au compteur Gégère. Nous avons fait le test de la boussole pour voir s'il n'y avait pas un phénomène magnétique. Absolument rien. Nous avons contacté les radars de la région de Taverny, de Cormeil. Aucun phénomène n'est apparu sur les éco-radars. Cette étrange affaire avait fait la une des plus grands journaux internationaux. Alors même sceptique, le commandant Courreau de Cergy-Pontoise avait convoqué ses hommes en leur expliquant qu'il y avait peut-être une piste extraterrestre à explorer. Quoi qu'il en soit, très pro, le gendarme Courreau n'avait lancé qu'un seul mot d'ordre. Oui. Sauf qu'une semaine plus tard, le 3 décembre, Franck Fontaine réapparaît dans un champ de choux bordant la route sur laquelle il avait soi-disant été enlevé. Conclusion, sans aucun doute, un gros canular. Dans le registre des témoignages spectaculaires, il n'y a pas que la théorie de l'enlèvement spatial. On trouve aussi bien sûr les fameuses observations hallucinatoires qui, elles aussi parfois, peuvent tourner un peu à la folie, voire à l'obsession. Écoute ce témoignage diffusé toujours sur France Inter en mai 1994. En étant sur le trottoir, à un moment donné... Nous avons eu quelque chose qui nous a illuminés. Et en nous illuminant, j'ai pensé, d'abord que c'était un camion qui avait ses phares mal réglés, mais j'ai senti que la lumière venait du haut. Et nous nous sommes retournés, et alors nous avons aperçu au-dessus de nous une soucoupe. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était un arrondi allongé, il était plus ovale qu'arrondi, et autour de la circonférence, qui n'était pas vraiment une circonférence, eh bien, il y avait... une trentaine de hublots. Ah bon? Des hublots tout illuminés. Mais bien sûr, des hublots tout illuminés. Faut faire attention, madame, hein. Avec un truc pareil, on peut se renfermer. Et après, bon courage pour gérer son voisin de chambre à l'hôpital psychiatrique. Sur l'écran de ma télé, un soir, j'ai vu soudain un petit homme vert qui me disait « Moi, je suis un martien. Oui, je suis un vrai martien et je viens sur la Terre pour vous dire que tout va très bien chez les petits hommes verts. » Cela dit, les illuminés du cosmos ne sont pas tous enfermés, loin de là. En juillet 1999, par exemple, la planète tout entière attend avec impatience un événement rare de la mécanique céleste, une éclipse solaire totale. Eh ben, ça n'a pas manqué. Comme on était en fin de millénaire, du coup, les prophéties les plus dingues se sont multipliées, menées par un boutiquier interstellaire, le couturier Paco Rabanne, qui racontait alors n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Je m'intéresse depuis l'âge de 15 ans, 16 ans aux prophéties. Je les ai toutes lues et toutes disent la même chose. Elles disent que Paris disparaîtra dans un océan de flammes avant la fin du siècle à cause d'un objet en feu qui tombe du ciel. C'est tout. Moi je ne suis pas un prophète. Je suis qu'un homme simple qui aime les prophéties, qui les connaît et qui souhaite que cela ne se réalise pas. Voilà, Paco Rabanne au micro d'Éric Valmire. Hey Paco, on attend toujours ton ovni en flamme qui devait détruire Paname. En résumé, il semble tout de même que les extraterrestres développent essentiellement chez l'humain des tendances paranoïaques et mystiques. Alors pour élargir notre regard sur l'univers des ovnis, nous avons joint cette semaine au téléphone le célèbre narrateur des Shadok, le commissaire des aventures de Rabbi Jacob, le comédien Claude Pieplu. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé s'il croyait à l'existence d'une vie extraterrestre. Réponse juste après le jingle. Oui, je crois aux phénomènes qui sont extraterrestres. Oui, la Terre est une planète et elle n'est pas toute seule. L'univers est entouré est composé de plein de choses qui sont forcément pas la Terre. Alors les extraterrestres en font partie. Et est-ce que vous avez déjà eu affaire à des phénomènes justement d'ovnis ou de phénomènes paranormaux dans votre vie? Je ne sais pas si j'ai vraiment eu affaire à des ovnis et des phénomènes paranormaux, mais enfin, dans ma vie, oui, j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer des manifestations qui ne sont pas toujours attendues et qui sont assez extraterrestres, justement. Je ne sais pas si je peux dire que je les ai vraiment rencontrés, mais je ne suis pas contre le fait qu'ils existent et qu'ils se manifestent. Vous dites, Claude Pieplu, ne jamais les avoir rencontrés, mais vous mentez. Vous les avez fréquentés, les Martiens, les Shadok. C'était bien les extraterrestres, non? Ben, c'était les extraterrestres qui rejoignaient quand même des préoccupations terrestres, quoi. Ils arrivaient sur Terre, non pas... Oui, comme des extraterrestres, mais en même temps, pour tendre la main aux terrestres. On peut dire que les Shadok étaient des extraterrestres qui n'ignoraient pas les terrestres et qui venaient un petit peu les aider. Oui, les Shadok, c'était des éléments un petit peu inattendus et pas du tout courants, oui. C'était Claude Pieplu pour La Panique au Mangin Palace. You had a reason, girl. Let me try to understand. Flash, une chanson lunaire du Suédois J.J. Johansson, un titre composé en partie par une machine, une voix comme celle de l'ordinateur HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour poursuivre notre exploration du monde extraterrestre, il nous faut maintenant te mettre en garde contre les envahisseurs. Certes, il ne faut pas sombrer dans la paranoïa, mais il est utile de savoir repérer efficacement les aliens qui sont déjà parmi nous et qui ont décidé de conquérir la planète Terre, et il y en a un sacré paquet. Les premiers d'entre eux, les plus anciens et les plus redoutés des extraterrestres, vivent dans un palais entourés de gardes étranges. Ils sont sur Terre pour conquérir l'esprit des humains. Depuis des siècles, leurs chefs se succèdent. Le dernier d'entre eux a pris ses fonctions le 24 avril dernier. Bonsoir, presque un record. Il aura fallu un peu plus de 24 heures seulement aux 115 cardinaux du conclave. Vous l'avez entendu dans le journal, le nouveau pape s'appelle donc Benoît XVI, du nom qu'il a choisi. Il s'agit de Josef Ratzinger, 78 ans d'origine allemande. Qui est Benoît XVI? Que sait-on de sa personnalité, ses options, sa vision de son rôle à la tête de l'Église et sa vision de l'Église elle-même? Oui, qui est Benoît XVI? C'est un extraterrestre qui arrive d'une planète que l'on connaît sous le nom de Paradise, elle-même dirigée par Yahvé, le Tout-Puissant. La mission de Benoît sur Terre est de convertir toute l'humanité. Sur cette planète, Paradise, il existe aussi une princesse, Marie, vierge de son état, et qui a été véritablement choyée par le prédécesseur de Benoît, Juan Paulus II. Du coup, Princess Marie attend beaucoup du nouveau souverain pontife et n'hésite pas à prendre contact avec lui par télépathie, bien sûr. Marcher sur les mains, avaler tes pommes de pin, Benoît, tes abricots et tes poires, étonnez-moi. Benoît fera sans doute tout ce qu'il peut, mais il est surtout responsable de la doctrine de la foi, et là, il y a du boulot. Autre alien de l'espace très dangereux et nuisible pour la société des humains, le monstre en démol. Lui aussi est arrivé sur Terre pour vampiriser l'esprit critique de l'homme et détruire sa faculté de juger. Souviens-toi, son premier fait d'armes remonte au jeudi 26 avril 2001. À l'époque, il n'est pas arrivé seul. Il était entouré de 11 aliens de son espèce. 11 célibataires coupés du monde. Philippe. Laure. Aziz. Loana. Jean-Édouard. Julie. Stevie. Kimi. Fabrice. Kenza. Et Christophe. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 4 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Face à l'énorme succès du loft, le monstre en démol comprend très vite que la Terre est à portée de main. Du coup, depuis quelques années, il fait arriver par paquet de 10 des extraterrestres de sa galaxie que l'on nomme Debilus Maximus. Son entreprise s'étend de plus en plus et ses envahisseurs continuent de frapper à ta porte tous les soirs, comme jeudi dernier par exemple. Merci de nous rejoindre, vous êtes en direct sur le plateau de la Star Academy. Les élèves redoublent d'efforts à la veille du prime. Les répétitions sont studieuses. Nos académiciens essaient de se donner à fond avec un seul objectif clair, être à la hauteur du spectacle vendredi pendant le prime. Mais pour nos trois nominés, le climat devient pesant, la tension palpable, un rien les énerve, comme pour Laure, par exemple. Laure qui trouve que sa chanson ne reflète pas vraiment sa personnalité. J'aime pas ma chanson, mais comment je la déteste. Mais alors d'une force. T'aimes pas ta chanson? Mais je la déteste, je la déteste. Et je me dis, putain, je voulais m'éclater sur le prime, mais voilà, j'ai les boules, au fond de moi j'ai les boules graves. J'ai les boules graves, langage très identifiable des habitants de la galaxie Debilus Maximus. Cela dit, si le monstre en démol s'est installé aussi vite sur la planète Terre, c'est surtout parce qu'il était déjà en contact avec un autre extraterrestre très expérimenté qui lui a bien préparé le terrain. Lui aussi cherche à manipuler les âmes de l'humanité. Tu peux le croiser tous les soirs entre chien et loup vers 20h donc. Monsieur, bonsoir. Plus de 13 millions de téléspectateurs hier soir pour assister à la qualification des Bleus au terme du match France-Chypre. Raymond Domenech officiellement reconduit à son poste aujourd'hui, mais tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant d'ici juin. Alors, a priori, rien d'anormal dans l'ouverture de ce 20h de PPDA. Et pourtant, tu n'as pas réellement entendu ce que Poivre d'Arvor t'a dit. L'équipe de la panique au Mangin Palace a mis au point une machine spéciale pour lutter contre les invasions extraterrestres. Cette machine est capable de décrypter les messages subliminaux. Tends l'oreille et écoute bien alors ce que tu as réellement entendu. Regardez-moi. Regardez-moi. Jour et nuit du con. Ah oui, c'est autre chose, mais désormais, tu es prévenu. Enfin, comment peut-on imaginer que la sphère politique soit épargnée par l'invasion d'êtres bizarres d'une autre galaxie ? Président Chirac, par exemple. Crois-tu réellement qu'un être humain normal pourrait diriger la France alors qu'il serait sourd et aveugle ? Non. Président Chirac est un être bionique. Comment dire ? Il y a très longtemps, président Chirac est arrivé d'une lointaine planète qui se trouve à droite d'Uranus et qui s'appelle Columbia, les deux églises. Depuis, il a fait venir sur Terre d'autres aliens de Columbia, dont Nicolas Darkozy. Mais en 1995, Nicolas a trahi la cause de Columbia et a préféré rejoindre les ambitions de la planète Baladurium pour devenir aujourd'hui un agent très puissant du contrôle intergalactique. Le shérif, shérif de l'espace. Parle, ne crains rien, Sarko, le shérif de l'espace. Exaspéré par cette haute trahison intersidérale, président Chirac considère désormais ce petit homme bleu comme un traître qu'il faut neutraliser. Pour ce faire, président Chirac a eu une idée, faire appel à celui qu'il considère comme l'héritier de la flamme de la planète Columbia, les deux églises, celui qui va peut-être permettre de sauver la face, son nouveau capitaine, chef des aliens, Dominique de Villepin. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De Villepin, c'est tout feu tout flamme. Mais alors, la gauche française serait-elle dépourvue d'extraterrestres ? Que nenni ! Si tu observes bien les instances dirigeantes du Parti Socialiste, n'as-tu point remarqué qu'un des leurs n'est pas un être humain ? Oui, Laurent Fabius arrive tout droit, lui, de la planète Prétentium. Et il est évident qu'après un passage à vide intersidéral, il est en train de reprendre du poil de la bête. Le retour du Jedi. La bataille pour la liberté fait rage. Le cœur d'un héros. Le courage d'un rebelle. Les mains, ne bougez plus. La force d'un meneur. La loyauté des camarades. La révélation d'un destin. Est-ce que Dark Vador est mon père ? L'accomplissement d'une légende. La quête se poursuit. Le cercle se referme. La saga continue. Le retour du Jedi. Bientôt, dans une salle de votre galaxie. Très exactement, le 18 novembre prochain, nous verrons si le Jedi Fabius récupère le parti de son père. Au congrès du Mans, palpitant. Alors oui, les envahisseurs sont déjà parmi nous et le monde est possédé par des extraterrestres camouflés. Sois bien prudent et ne te laisse pas endormir parce que n'oublie jamais que depuis toujours, les jours ne sont pas éternels. Les jours ne sont pas éternels, disait un astre au soleil. Le tour du monde, ça je sais faire depuis toujours, toujours. Disait la lune à la terre, dont les couleurs sont de ces merveilles. issu d'hier ou du soleil, issu de tous les jours, tous les jours. Dans le noir ou sous la lumière, elle se mélange sous la mer, se mélange-t-elle depuis toujours, toujours. Dis, est-ce que tu penses qu'il faut t'arrêter là? Dis, est-ce que tu crois que tout ça c'est immense? Dis, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que l'on suit la tendance? Les nuits ne sont pas éternelles, disait la lune au soleil. Ils tournent en rond, c'est un mystère, depuis toujours, toujours, disait un homme de l'univers, dont la longueur est une merveille, issu d'hier ou du soleil, issu de toujours, toujours. Dans le noir ou sous la lumière, il se prolonge sous la mer, se prolonge-t-il depuis toujours, toujours. Dis, est-ce que tu penses qu'il faut t'arrêter là? Dis, est-ce que tu crois que tout ça c'est immense? Dis, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que nous deux c'est tendance? Depuis toujours, en 2005, parce que des Olmèques aux pyramides d'Égypte, de Stonehenge à l'île de Pâques, de Louise Attack à Mars Attack, depuis toujours, certains ont voulu voir des interventions extraterrestres sur ta planète bleue. Alors, pour poursuivre notre aventure en compagnie des ovnis, nous allons nous retrouver maintenant nos deux héros très terrestres, les ineffables Monique et Jean-Claude. Mercredi dernier, Monique et Jean-Claude ont fait une rencontre extraordinaire, une rencontre à ajouter à la longue liste des contacts surnaturels. Tout a commencé à 20h mercredi dernier. Jean-Claude, sans Monique, est avec ses potes Frédéric, Michel et Rodrigue pour regarder le match de foot France-Chypre. Afin d'agrémenter la soirée, un jeu est organisé, il faut vider son verre cul sec chaque fois que Zidane touche la balle. Sympathique, mais un peu con, parce qu'après le match, Jean-Claude n'est pas grisé que par la victoire. Le match est depuis longtemps terminé et il est grand temps de rentrer. Jean-Claude quitte ses camarades pour revenir chez lui à pied. Il est 2h du matin, les rues sont calmes. Jean-Claude est un peu fatigué, un peu perdu. Il cherche désespérément un raccourci quand il aperçoit alors une petite route qui lui semble déserte. Ah non, tiens, il y a un chien. Y a une route. Tu apprends qu'est-ce que ça te coûte. Y'a une route. Y'a même un chien qui court la tête entre les mains. Y'a une route. Jean-Claude avance titubant en direction de sa maison quand soudain. Jean-Claude s'accroche au réverbère pour ne pas tomber et, croyant qu'il s'agit de Monique qui l'appelle, décroche son portable. Mais rien. Jusqu'à là, insiste. Mais non, ce n'est toujours pas son portable. Jean-Claude regarde alors autour de lui, à droite, à gauche, derrière, en haut, quand une petite voix l'interpelle du trottoir. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot Errol, cadeau d'Ulysse pour Télémax son fils. Je vis dans le grand vaisseau, comme un poisson dans l'eau, avec Télémax, Télémax et Ulysse. Jean-Claude a une pensée émue pour les 12 bières qu'il s'est enfilées. Il se frotte les yeux et regarde le petit être étrange à la voix si bizarre. Ce droïde tourne sur lui-même tout en le regardant avec un large sourire. Jean-Claude reprend ses esprits et reste très cartésien. C'est sans doute une vision mystique due à ses excès de travail. Jean-Claude refuse de sombrer dans le paranormal. Qu'est-ce qu'il a ? Jean-Claude reprend donc sa route, refusant d'être importuné par un inconnu qui risque de lui gâcher sa joie après la victoire de l'équipe de France. Voyant son nouvel ami partir, l'être venu d'ailleurs poursuit Jean-Claude. Il veut que le contact se poursuive, mais Jean-Claude n'en a rien à faire. Demain, il doit se lever tôt. Alors, l'être étrange se lance dans une plainte universelle. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Jean-Claude continue sa route quand, dans un éclair effroyable, l'être étrange disparaît. Jean-Claude n'en croit pas ses yeux. Il regarde sa montre, il est... Tiens, sa montre ne marche plus. Incroyable.

Kelly Watch the Stars, une chanson magique du groupe R, en 1998 sur l'album Moon Safari, album sublime qui est toujours en orbite autour de la Terre. Nous voici donc arrivés au terme de notre exploration des mondes parallèles, ceux des ovnis et des extraterrestres. De Roswell à Star Trek, de Benoît XVI au retour du Jedi, de Jean-Claude Bourré à Jean-Claude Bourré, nous t'avons dressé un panorama de nos voisins venus d'ailleurs. Qu'ils existent ou non, peu importe, toujours est-il qu'ils sont bien présents dans notre imaginaire. Ainsi, l'idée d'extraterrestre va de pair avec l'idée de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas. Les Grecs et les Romains avaient les barbares, les hommes du Moyen-Âge avaient la peur du démon, qui, remarque-le en passant, est lui aussi souvent représenté vêtu de vert. Au XIXe siècle, pour les Européens, l'autre, c'était le sauvage qu'on allait gaiement coloniser. Alors comment expliquer que l'idée d'extraterrestre ait pris tant d'ampleur au XXe siècle? Eh bien, sans doute parce qu'alors l'ensemble de la planète a été exploré et rares sont les zones encore blanches sur les cartes. L'homme a fondamentalement besoin d'un autre à découvrir. Aujourd'hui, l'autre à découvrir, c'est l'alien, celui qu'on cherche à comprendre. Je me suis réveillé cette nuit en entendant ces drôles de bruits. Et près du lit, j'ai vu un petit homme vert. Il avait 3 yeux et 11 mains. Je crois que c'était un martien. Il se mit à me parler gentiment. Le martien m'a tout d'abord dit que, en insistant bien sûr, mais ce n'était avait ajouté que, en assistant bien sûr, voilà c'est tout. Par ailleurs, si tu regardes l'histoire de l'aventure des ovnis, tu remarqueras que les brochures touristiques des extraterrestres doivent sans doute mentionner les States comme destination idéale. C'est incroyable la concentration de phénomènes paranormaux aux États-Unis. C'est étrange d'ailleurs, car les Américains ont un rapport très particulier à l'autre. Les États-Unis sont encore aujourd'hui la première terre d'accueil, mais, et c'est peut-être lié, ils ont développé une paranoïa quant à l'invasion de leur territoire. Le thème est récurrent et a toujours le même schéma. L'ennemi est présent chez eux, mais invisible dans le sens où il se mêle à la population. Du coup, le danger est partout. Dans les années 50, le maccartisme pourchassait les communistes et croyait en voir à tous les coins de rue. Cette paranoïa se retrouve dans les films et les séries télé. Par exemple, dans la série Les Envahisseurs, les extraterrestres prennent l'apparence d'Américains moyens et noyautent la société pour en prendre le contrôle. Seul David Vincent les voit et, quand ils les tuent, ils deviennent rouges, rouges soviétiques, bizarres. Alors, quand le 11 septembre 2001, les États-Unis découvrent qu'il existe sur leur territoire des cellules dormantes islamistes, la paranoïa repart de plus belle, les envahisseurs barbus remplacent les pop-off cocos. Sauf que, quand la traque aux barbus devient planétaire, les populations civiles musulmanes modérées trinquent aussi, c'est le gros bordel. Et si c'est bien d'aller voir ce qui se passe dans l'espace, faudrait pas oublier non plus qu'il y a de la vie sur Terre. Dansons dessus, chic planète. Voilà, fin du 6e épisode, c'était « C'est quoi les ovnis ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique. Au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, alias Luke Skywalker, un co-auteur Jedi et un ami précieux. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui d'Éric Mainviel et de Dimitri Gronoff. Merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi, alias Princesse Leia. Merci beaucoup Amel. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien.